Bonjour messieurs, dames. Portez un drapeau des cheminots de Rouen. Oui, et... petite précision, je suis retraité hein, quand même depuis peu, donc je ne représente pas moi-même le syndicat des cheminots CGT de cette ville, ni même la section retraitée. Vous exerciez quel métier ? J'ai fait différents métiers à la SNCF, je travaille essentiellement, bon, avant d'être polyvalent, donc dans les postes d'aiguillage, les gares de triage, au guichet aussi, j'ai fini ma carrière, ce qu'on appelle l'attraction, c'est-à-dire se trouvent les conducteurs du train. Bon, moi-même, je n'étais pas conducteur, je gérais les effectifs, le personnel. Qu'est-ce que vous pensez du changement de statut de la SNCF, là, au début de l'année ? Bah, sachant que j'ai fait grève l'année dernière, c'était ma dernière grande grève, pendant plus de 3 mois, bah, que du négatif. Hein. Moi, personnellement, en phase avec mon organisation syndicale, enfin avec un certain nombre d'organisations usagers, etc., moi, je suis pour le maintien de l'entreprise publique et du service public. Donc, c'est que du négatif. Tout est à craindre, je veux dire, même là, en venant, je disais un article, ma fédération CGT a apparemment dénoncé un incident grave sur la ligne TGV Paris-Rennes, où effectivement, vous avez un TGV qui changeait de voie par un aiguillage, et au lieu de le franchir à 100 km/h, il l'a franchi à plus de 168 km/h. Il faut savoir en plus que cette portion de ligne TGV est exploitée, sous-traitée par un groupe, hein, par une filiale IFH, donc un secteur privé, donc c'est effectivement quelque chose de très grave. C'est effectivement quelque chose qui aurait, à mon avis, qui ne serait pas produit si effectivement c'était la SNCF en tant qu'entreprise publique qui gère encore ces infrastructures. Et là, apparemment, c'était un problème dans le système de vérification de la vitesse au niveau du conducteur. Il n'a pas sciemment dépassé cette vitesse. Tout à fait, vous avez parfaitement résumé. Bon, après, il faut le relativiser pour l'instant parce que ce sont des éléments d'information épars. Bon, après, je fais confiance à mon organisation syndicale, mais en fait, le conducteur s'est aperçu de rien. Donc, apparemment, les transmissions des signaux donc, à la cabine de conduite étaient erronées. Et en fait, c'est le contrôleur qui était dans le train. Évidemment, à un moment donné, il a senti une secousse anormale qui a visé. Et c'est là qu'on s'est aperçu. Donc l'incident après a été évidemment révélé, etc. Mais c'est effectivement quelque chose de grave. Bon, c'est pas le premier événement. Le premier événement, pardon, ça sera pas le dernier. Mais c'est effectivement quelque chose de très inquiétant. Bon, additionné à tout le reste. Hein. Sachant qu'effectivement, c'est le changement de statut le 1er janvier. À la fois de l'entreprise, y compris bah, effectivement une remise en cause directe frontale du statut des cheminots, qui en est la garantie, qu'on peut au niveau de la sécurité, c'est aussi effectivement l'ouverture à la concurrence. Alors qu'on voit que le modèle britannique nous montre que la nationalisation, enfin, le fait que le ferroviaire soit un service public, c'est une très bonne garantie de sécurité et que la privatisation va dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Je connais assez bien le système britannique puisque j'y allais souvent et j'empruntais le train. J'ai connu effectivement l'entreprise publique, les Prestige Railway, après effectivement sous Thatcher la privatisation. Alors c'est pas une renationalisation totale, hein. C'est uniquement une renationalisation du gestionnaire d'infrastructure. Et effectivement suite à des accidents très graves dont plusieurs ont lieu dans la banlieue de Londres. Et effectivement depuis, fort heureusement, moi-même, j'y suis retourné il y a 2 ans, j'empruntais régulièrement le train, donc il n'y a plus d'incidents graves. Mais il n'y a pas que la Grande-Bretagne, je veux dire, même l'Allemagne, que beaucoup mettent en exergue, hein, y compris le système ferroviaire, il y a une dégradation qui est liée effectivement à l'ouverture à la concurrence et autres. Et à tel point que là, le gouvernement allemand a annoncé qu'il allait injecter plus de 96 milliards d'euros d'ici 2030 pour rénover complètement le système ferroviaire. Quel est votre prénom ? Est-ce que vous voulez le donner ? Oh oui, volontiers, Arnaud. Merci Arnaud. Mais de rien. Bonne manif. Merci.